Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Yougoslavie, la guerre au cœur de l'Europe. Une série de Christelle Le Polothèque réalisée par Somanina. Alors pourquoi on vous raconte ça ? Parce qu'il y a 30 ans, commençait le siège de Sarajevo qui a marqué les esprits et que c'est le moment où les guerres de Yougoslavie se sont emballées pour une dizaine d'années. Mais pour comprendre les racines de ce conflit, il faut remonter dans le temps, avant même la création de la Yougoslavie. Et dans vos oreilles aujourd'hui, de la nostalgie, de la colère, des enfants devenus adultes qui se souviennent des chants de pionniers, la guerre et le rêve tenace austro-hongrois. Mais pour commencer, premier épisode, on est à Cannes. Et c'est la visite royale. Qui pourrait nier que Cannes est la station préférée des rois ? Sa Majesté Pierre II de Yougoslavie arrivait ces jours-ci à l'hôtel Carlton avec son épouse. Pierre II de Yougoslavie nous a fait l'insigne honneur de nous accorder une interview. Est-ce que votre Altesse voudrait, pour nos auditeurs, préciser l'époque à laquelle votre dynastie a pris racine en Yougoslavie? C'était en 1804. C'était mon arrière-grand-père qui a fondé la dynastie parce qu'il était élu comme chef de résistance contre les occupateurs ottomans. Chacun peut vous donner un peu une vision différente de comment cette Yougoslavie a pris place et qu'est-ce qui était la vraie bonne époque. Bon, moi je peux vous parler de la Yougoslavie qui sera la Yougoslavie de l'après-deuxième guerre, la Yougoslavie de Tito en gros, et qui va disparaître. Mais d'autres personnes pourront faire référence à la royauté de Yougoslavie qui précède cette période. Et si vous aviez croisé mon père ou mon grand-père, il vous aurait dit « Mais l'époque austro-hongroise, c'était la meilleure époque. » Yougoslavie, la guerre au cœur de l'Europe. Aux origines de la Yougoslavie. Par Christelle Le Polothèque et Somanina. Anna Moslia, vous êtes une jeune artiste ici à Sarajevo. Vous avez connu la Yougoslavie ? Non, je n'ai pas connu la Yougoslavie. Moi, je suis née après la guerre, en 1996. C'est surtout mon grand-père et ma mère qui m'ont transmis des choses au sujet de la Yougoslavie. Ils étaient très impliqués dans le Parti communiste yougoslave et ils m'ont transmis cette idée de fraternité et d'unité qui était la devise de la Yougoslavie. Ce qui fait que quand moi, je pense à l'idée de la Yougoslavie, je pense surtout à quelque chose de cohérent, à une société cohérente. Parmi beaucoup de gens, spécialement celui qui en était né et vécu à Belgrade toute leur vie, Milena Cecic, la Yougoslavie socialiste a été énormément idéalisée comme un pays de fraternité, il n'y avait pas aucun problème, etc. Quand même, il y avait beaucoup, mais quand même, j'aimais beaucoup l'idée de la Yougoslavie et j'aimais beaucoup mon pays. C'est à la fois un privilège et une grande tristesse de dire ex-Yougoslavie. C'est une sorte de mélancolie. Vassili Silovic, réalisateur. Qui est permanente de se dire, mais, ah, voilà, donc un pays peut disparaître. Et voilà, comme s'il n'avait jamais existé. Et ça continue à m'étonner, en fait, à quel point un pays peut, comme ça, du jour au lendemain, juste comme un fantôme, ne plus être là et en même temps, comme un fantôme, garder une sorte de présence qu'on cherche plus ou moins, sans être nostalgique, mais qu'on essaye encore, dont on essaye de retrouver quelques traces, et il y en a encore. Le 6 avril 1992, débutait la guerre de Bosnie, sous les yeux effarés des Européens. Comment la Yougoslavie, qui avait su s'émanciper de la tutelle soviétique pour créer un modèle socialiste plus libéral, qui accueillait chaque été sur ses côtes des touristes du monde entier, a-t-elle pu non seulement s'effondrer aussi brutalement, mais surtout sombrer dans une violence telle que l'Europe n'avait pas connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pour revenir sur l'histoire de cette guerre, nous nous sommes rendus à Sarajevo et à Belgrade. Mais très vite, il nous a fallu revenir plus loin encore aux origines de la Yougoslavie, dans ses Balkans, partagés entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Une fois de plus, la parole est à l'histoire et laissons-la s'expliquer, je vous prie. 1914. Vienne danse sans s'en douter les dernières valses de son insouciance. L'Empire austro-hongrois, amputé de ses provinces italiennes, est une construction puissante encore, mais combien arbitraire, avec ses 50 millions d'hommes parlant 9 langues différentes. Une construction à deux têtes, les deux têtes de l'aigle. L'une est Vienne, l'autre Budapest. Et elles regardent chacune de leur côté. Jovo Bakić, sociologue. Il faut rappeler l'importance de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine en 1908 par l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ces deux provinces, la Bosnie et la Herzégovine, appartenant à l'Empire ottoman, ont été occupées par l'Autriche-Hongrie dès 1898. Habsburgska monarchia okupirala uz pristanak svih velikih sila, ali onda 1908 anektirala. Mais en 1908, l'Autriche-Hongrie décide de les annexer contre la volonté de certaines grandes puissances. Tenima velikih sila drugih, ali se opet nisu htjele da se mešaju. Sve to je dovelo do Cela provoque une montée du nationalisme en Serbie, car la Bosnie et la Herzégovine sont considérées à Belgrade comme des territoires traditionnellement serbes. I onda je stvorena organizacija Mlada Bosna. L'organisation Mlada Bosnia, Jeune Bosnie, est créée, composée en majorité d'orthodoxes, mais aussi de catholiques et de musulmans. Recimo jedan od katolika članova organizacije bio Ivo Andrić. Un des catholiques les plus célèbres était Ivo Andrić, qui sera plus tard prix Nobel de littérature et l'auteur d'un pont sur la Drina. Za stvaranjem Jugoslavije. Oni ubijaju Franca Ferdinanda. L'organisation Jeune Bosnie a œuvré à la création de la Yougoslavie. Ils ont aussi œuvré à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Et ils avaient des liens en parallèle avec le royaume de Serbie. Do dana današnjeg nije razjašnjeno kakva vrsta veze je tu postojala. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas quelle sorte de lien il y avait entre cette organisation et le gouvernement à Belgrade. On ne sait toujours pas si le gouvernement savait que cet assassinat allait avoir lieu. Et s'il le savait, est-ce qu'il l'aurait empêché? Sarajevo, 28 juin 1914, deux coups de feu ont claqué. L'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie et sa femme gisent, ensanglantés, sur les coussins d'une voiture. Ces deux coups de feu ne feront pas seulement deux victimes. Ils vont abattre plus de 20 millions d'hommes. Ils vont déclencher la plus meurtrière des guerres que l'humanité ait connue. Quelles furent les raisons de cet attentat? Comment ce geste eut-il le pouvoir de déclencher d'aussi terribles événements? Quel monstrueux ressort, tendu par quelle main, a-t-il libéré là son fatal déclic? L'assassinat de l'archiduc à Sarajevo sera, on s'en souvient, l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. 4 années de guerre, 10 millions de morts et des conséquences phénoménales pour l'Europe. La chute des empires austro-hongrois, allemands, russes et ottomans. L'assassinat de l'archiduc, il est commis par Gavrilo Princip. Xavier Bogarel, historien. Et par d'autres membres d'une association qui s'appelle Mlada Bosna, la Jeune Bosnie. Et les interprétations de ce mouvement sont variées et changent selon les époques. À mon sens, l'organisation Jeune Bosnie, c'est une organisation nationaliste yougoslave qui se révolte contre l'occupation austro-hongroise et qui défend l'idée d'une union des peuples slaves. Ce sont des gens aussi qui sont influencés par les idées socialistes et anarchistes et qui vont donc commettre cet attentat au nom, disons, de la libération et de l'unité des Slaves du Sud. De ce point de vue-là, on peut dire que l'idée yougoslave, au moins une certaine idée yougoslave, est à l'origine de cet attentat. Ils sont présentés aujourd'hui comme des nationalistes serbes, surtout à mon avis parce qu'ils ont effectivement le soutien de certains services secrets de la Serbie voisine. Mais à l'époque, on ne s'attachait pas trop aux couleurs politiques ou nationales des agents qu'on voulait manipuler dans les pays voisins. Jacques Rupnik, vous êtes directeur de recherche au CERI, professeur à Sciences Po. Qu'est-ce que c'est pour vous que le projet yougoslave ? Le projet yougoslave, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, une tentative de réunir les Slaves du Sud dans un même État qui rassemblerait des nations qui étaient certaines dans l'Empire ottoman, d'autres dans l'Empire des Habsbourg. C'est la fin de la guerre, mais c'est la fin des empires, et se constituent de nouveaux États sur le principe national. C'était ça l'idée. Or, la Yougoslavie, au moment où on construit ces États dits nationaux, construit un État multinational. Et donc, c'est toute l'ambiguïté était là. Est-ce qu'on peut, à partir de cette situation, construire une nation yougoslave composée de nations diverses? Et d'ailleurs, la réponse première qui est donnée, c'est le nom même de l'État qui se crée, c'est-à-dire le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Donc vous avez dans l'intitulé même, déjà, la diversité, l'idée que c'est un État multinational. Bon, Yougoslavie, ça veut dire le pays des Slaves du Sud, hein, tout simplement. Youg, c'est le Sud dans toutes les langues slaves. Donc Yougoslavia, c'est le pays des Slaves du Sud. Jean-Arnaud Derens, historien. Et après, il y a au moins 3, voire 4 réalisations différentes de cette idée. D'une part, il y a l'idée elle-même, un petit peu romantique, celle portée dès la seconde moitié du 19e siècle par des intellectuels, notamment croates, qui constatent que tous les peuples qui vivent dans ce que l'on n'appelle pas encore vraiment les Balkans à l'époque, mais plutôt on parle encore de Turquie d'Europe en bonne part, ou de péninsule ivyrienne, ça dépend où l'on se trouve, mais que tous ces peuples, qu'ils soient orthodoxes, catholiques, musulmans, parlent une langue fondamentalement la même et ont beaucoup en commun. Donc il y a l'idée de réunir ces peuples slaves de l'Europe du Sud-Est. Ça, c'est une idée qui est notamment portée par des intellectuels croates dès les années 1860, disons. Ensuite, il y a la première réalisation de cette idée sous la forme du royaume de Yougoslavie, qui est créé alors en 1918 sous le nom de royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, mais qui devient en 1929 le royaume de Yougoslavie, sous le sceptre de la dynastie serbe des Karadjordjevic, qui est un royaume extrêmement centralisé, une monarchie autoritaire, centrée autour de cette famille royale des Karadjordjevic, autour de Belgrade, qui donc ne répond pas du tout, ou qui représente même une déviation, je dirais, de cette idée d'une réunion, d'un rassemblement libre, sur une base d'égalité de tous les peuples slaves du Sud. Une caricature de cette aspiration à l'unité. Ce qui est intéressant à mentionner, c'est que l'idée yougoslave était une idée croate au départ. Et donc, c'est une idée croate qui a été réalisée par des moyens serbes. Pourquoi ? Parce que la Serbie était non seulement la partie la plus importante, disons la nation la plus importante, mais c'est aussi, la Serbie était du côté des vainqueurs à la fin de la Première Guerre mondiale. Les Slovènes et les Croates se retrouvaient du côté des vaincus de la Première Guerre mondiale, ceux qui étaient dans l'Empire autrichien. Donc la Serbie, du côté des vainqueurs, et les vainqueurs se posant la question, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? On peut faire un État serbe, une sorte de grande Serbie, ou bien il faut persuader les Serbes de poursuivre sur cette idée yougoslave et de créer un ensemble qui permettrait de fédérer, de stabiliser cette région. Et c'est cette idée qui a prévalu à la fin de la Première Guerre mondiale, mais qui n'allait pas de soi. Beaucoup de Serbes avaient pensé effectivement construire un État serbe avant de construire un État yougoslave. Voilà. Et beaucoup des ambiguïtés qu'on a retrouvées dans les années 90 peut-être remontent à cette ambiguïté originelle. L'histoire de ce royaume est extrêmement complexe. Exactement, c'est ce que j'étais. Studentima kad objašnjavam otkud jugoslovenstvo, ja im kažem da je to bio krik nemoći. Lorsque mes étudiants me demandent d'où vient Kraljevina la Jugoslavie, Srbija je bila nominalno nezavisna. Je leur réponds que c'était finalement un cri d'impuissance. Staline, en 1923, proclame la Yougoslavie nie de votre révolutionnaire et ordonne sa destruction. Staline avait de bonnes raisons pour cela. Le roi Alexandre Karadjordjevitch est le membre de la royauté européenne qui a accueilli le plus grand nombre de Russes blancs qui fuyaient la révolution bolchevique sur son territoire. En représailles, les communistes yougoslaves travaillent à la destruction de la Yougoslavie jusqu'en 1935 et vont même jusqu'à collaborer avec les Oustachis croates. Then swift tragedy. The car in which His Majesty and Monsieur Batu were so happily riding into the city had hardly travelled 100 yards when suddenly the Croat murderer sprang from the crowds to the running board and poured a hail of lead into its two occupants. The king, mortally wounded, sank back into the cushions of the car, never again to open his eyes. Within a few minutes, the end had come. Barely 5 minutes after landing on French soil, Alexander of Yugoslavia was dead. Le 9 octobre 1934, Alexandre Ier de Yougoslavie est assassiné à Marseille par un nationaliste bulgare au service des Oustachis croates. Il faut rappeler que les tensions sont montées très vite au sein du royaume de Yougoslavie. Alexandre Ier règne en monarque absolu, écrasant toute forme d'opposition venant d'autonomistes croates, mais aussi du Parti communiste, interdit dès 1920. De plus, depuis la révolution d'octobre 1917, la monarchie des Karadjordjevitch a accueilli à bras ouverts plus de 100 000 Russes blancs fuyant l'URSS. Une faute de très mauvais goût pour son illustre voisin Joseph Staline. En 1935, les communistes vont suivre un nouvel ordre de Staline qui décide un changement de stratégie en Europe, qui entraînera la politique du Front populaire. Après avoir tenté de détruire la Yougoslavie, l'idée est de construire la fédéralisation de la Yougoslavie. Tito prend la tête du mouvement communiste en 1937, soit 2 ans après le changement de politique de Staline. Маршал Тито принял парад югославских частей, участников сражения за Белград. Deux ans plus tard, en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. La Yougoslavie est envahie par les forces armées allemandes en 1941. Tito prend la tête de la résistance communiste et du mouvement des partisans. À Malte sont soignés les patriotes yougoslaves blessés. Il y a parmi ces héros des femmes, car les armées du maréchal Tito sont formées de la population entière du pays. Pendant leur convalescence, ils sont instruits dans l'art d'utiliser toutes les armes employées par les alliés. En 1943, Churchill considère que Tito est le mieux placé pour combattre les nazis et lui offre le soutien matériel des alliés au détriment du mouvement de résistance monarchiste serbe, les Tchétniks. La violence de cette guerre entre les différentes composantes du royaume et les massacres interethniques auront des conséquences considérables dans le réveil des nationalismes à la fin des années 80. Tito avait bien peu de matériel quand il a commencé la lutte, mais maintenant des armes lui ont été envoyées. Elles permettent aux partisans yougoslaves d'immobiliser et de tenir en échec de nombreuses troupes allemandes. Dans l'espace yougoslave, la Seconde Guerre mondiale commence en avril 1941 avec l'attaque essentiellement des troupes allemandes soutenues par des troupes italiennes et hongroises. Et le royaume de Yougoslavie s'effondre en quelques jours, enfin une dizaine de jours, l'armée yougoslave se délite complètement. Hitler décide de démanteler la Yougoslavie et de la partager en différentes entités. Il y a au total une dizaine d'identités politiques différentes qui vont se constituer sur le territoire du royaume de Yougoslavie, la plus importante d'entre elles étant l'État indépendant de Croatie, gouverné par les Oustachis. Et ce démantèlement de la Yougoslavie et l'arrivée au pouvoir dans la grande Croatie de l'époque qui intègre la Croatie elle-même et la Bosnie-Herzégovine va amener à une politique de discrimination et de génocide contre la population serbe locale. Une politique de génocide qui est aussi menée contre la population juive et la population rome de l'État indépendant de Croatie. Mais la spécificité de la Croatie par rapport au reste de l'Europe, c'est cette politique génocidaire envers la population serbe qui représente environ un tiers de la population de l'État indépendant de Croatie. Et cette violence extrême de l'État indépendant croate contre la communauté serbe va provoquer en retour un soulèvement de la population serbe qui va ensuite se diviser en deux branches principales, va-t-on dire. D'une part, le mouvement des partisans dirigé par le Parti communiste de Yougoslavie qui veut recréer une nouvelle Yougoslavie et d'autre part le mouvement tchétnique, donc royaliste serbe, qui veut constituer une grande Serbie. Et c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment où les idées nationalistes grand serbe et grande croate s'expriment le plus explicitement et le plus violemment et détruisent une première fois ce tissu inter-religieux et inter-communautaire qui constituait l'espace yougoslave jusqu'alors. Mais c'est au cœur de ces violences intercommunautaires, ou certains diront interethniques, que va renaître le projet yougoslave, et cette fois-ci porté par le Parti communiste de Yougoslavie, qui s'opposant à ces violences intercommunautaires qui dévastent la Yougoslavie, va redonner naissance à un nouveau projet yougoslave autour de l'idée d'unité et de fraternité des peuples yougoslaves. Donc en reconnaissant la pluralité des peuples yougoslaves sans essayer de créer une nation yougoslave nouvelle et unie. Pourquoi Tito, lui, souhaite réitérer cette tentative de la Yougoslavie alors qu'elle vient de connaître des massacres monumentaux, des Croates d'un côté et notamment les Serbes de l'autre? Qu'est-ce qui motive cette volonté de réunir à nouveau la Yougoslavie à la sortie de la guerre? Il s'agit, lui était communiste, internationaliste, il s'agit à la fois de fournir une antidote au nationalisme, mais aussi une réponse à ceux qui avaient voulu détruire, démembrer la Yougoslavie et servir les ambitions territoriales de l'Allemagne nazie ou de l'Italie fasciste. Donc c'était ça l'idée au lendemain de la guerre. D'ailleurs, au lendemain de la guerre, on reconstruit la Tchécoslovaquie, qui avait éclaté aussi sous l'emprise de l'Allemagne nazie, hein, avec le protectorat de Bohême-Moravie et la Slovaquie. Eh bien, il y avait la même chose un peu pendant la Deuxième Guerre mondiale en Yougoslavie, démembrement de la Yougoslavie sous l'égide des puissances de l'Axe. Et vous avez, donc, à la fin de la guerre, Tito se présente en rassembleur de la Yougoslavie, tant en utilisant son rôle déterminant dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour écarter, éclipser l'option du gouvernement de Londres et qui voulait une continuité avec le royaume d'avant-guerre. C'est la grande force de Tito, sa grande idée à la fin de la guerre, c'est de transformer la résistance à l'occupant en révolution. Et deuxième chose, il a été formé non seulement par l'international communiste, mais avant ça il avait été formé par l'Empire austro-hongrois. Et donc, il avait, j'allais dire, presque dans ses gènes, l'idée de la gestion d'un empire multinational. Son idée de la Yougoslavie de l'après-guerre était un mélange de l'internationalisme de type soviétique, donc créer une mini-Union soviétique, si j'ose dire, hein, et recréer une sorte de mini-empire qu'était la Yougoslavie, et où, comme François Joseph, comme l'empereur, Tantôt on punit l'un, tantôt on favorise l'autre, tantôt on cherche tel accommodement. Voilà, la gestion d'un empire multinational avec des institutions qui sont centripètes, comme l'armée ou le parti, bien entendu, par excellence, l'administration. Bon, puis il y a des institutions centrifuges, comme les églises nationales, etc. Et la gestion de cette diversité, je pense qu'il l'avait hérité de l'Empire austro-hongrois, parce qu'il est de la génération qui a vécu ça. C'est ça qui a été son expérience formatrice avant de devenir communiste. Tito a réussi à faire en sorte qu'un État de dimension moyenne pour l'Europe et de petite dimension au niveau international acquiert une réputation importante et un rôle important au niveau mondial. Il savait trouver son chemin dans des circonstances qui étaient quand même très compliquées. Il a même réussi à trouver sa propre voie entre les deux blocs, la troisième voie, avec le mouvement des non-alignés. Dans ces décennies de décolonisation, c'était son capital politique. Cela fait de lui, sans doute, le plus grand homme d'État de cette partie du monde, et pas seulement du XXe siècle, mais même dans toute l'histoire de cette région. Image de Belgrade. À la suite des violentes attaques déclenchées par le bureau du Cominform contre le gouvernement du maréchal Tito, une foule considérable rassemblée dans les rues de la capitale a défilé devant le leader yougoslave, proclamant sa fidélité à sa personne et à son gouvernement. Que résultera-t-il de la crise actuelle? L'ancien chef des partisans, rejeté par l'URSS et appuyé par son peuple, se verra-t-il contraint d'abandonner le pouvoir? Trouvera-t-il un compromis avec ses alliés traditionnels ou cherchera-t-il une formule de rapprochement avec les démocraties occidentales? Un nouveau problème est posé en Europe. La Yougoslavie non seulement avait choisi une voie indépendante en rompant avec Moscou en 1948, donc ça c'est l'indépendance de la Yougoslavie, mais aussi de l'appareil communiste yougoslave par rapport à Moscou. Parce que ce qui caractérisait le système communiste, c'est pas seulement qu'il y avait un bloc, c'est que chaque parti communiste en Europe de l'Est était directement dépendant de Moscou, sous surveillance. Et c'est Tito qui a rompu de façon catégorique cette ingérence de l'appareil moscovite. C'est allé très loin. Il y a eu des tentatives d'assassinat contre Tito, menées par les soviétiques. Ça, on l'a su. D'ailleurs, très récemment, ont été révélés des documents, entre autres une note que Tito avait envoyée à Staline après une des tentatives d'assassinat. Et il lui dit, je cite à peu près exactement, c'est la troisième fois que tu essayes de l'assassiner. Arrête, car moi, je n'aurai besoin que d'un essai. Bon, ça c'est le haut fait de Tito, l'indépendance du pays, mais l'indépendance du parti aussi, et de son appareil, et de son dirigeant, vis-à-vis des intrusions de l'appareil politique et policier de Moscou. Il y a la phase où est né le projet autogestionnaire. Il faut se différencier du socialisme soviétique. Et donc voilà, ce thème de l'autogestion est devenu très important dans les années 60. Je pense que ça a influencé beaucoup de penseurs socialistes à l'Est comme à l'Ouest. En Tchécoslovaquie, en 68, on se réfère à l'idée de, voilà, il faut faire de l'autogestion. Les conseils d'entreprise, les conseils ouvriers, etc. En France, dans la gauche française, ceux qui voulaient se démarquer du Parti communiste étaient intéressés par l'idée autogestionnaire. Michel Rocard, tout le PSU, etc. Bon. Pour asseoir son autorité, Tito entretient le culte du père de la nation yougoslave. Chaque 25 mai, pour son anniversaire, est organisée une course à travers la Yougoslavie, au cours de laquelle des jeunes de tout le pays se relaient pour remettre en grande pompe, à Tito lui-même, la staffetta, une sorte de bâton orné de vœux d'anniversaire, comme on peut encore en voir aujourd'hui au musée Tito à Belgrade. Des festivités grandioses qui ne prendront fin qu'en 1987, 7 ans après sa mort. J'ai des souvenirs de jeunes pionnières. Milissa Choubrilo, journaliste. J'avais mon petit chapeau, mon uniforme bleu marine et chemise blanche et jupe plissée et le petit foulard rouge. Et je me souviens que dans notre classe, on avait tous une photo de Tito et que souvent quelqu'un venait dans la classe, interrompait le cours et puis nous embarquait, par exemple, pour aller accueillir le maréchal Tito de retour d'un voyage, qu'on nous postait comme ça le long du chemin avec des fleurs et des drapeaux et on attendait pour lui faire signe et chanter. Ça me plaisait pas beaucoup, je dois dire, mais j'ai une nostalgie de cette Yougoslavie, de l'espace yougoslave, d'amis qui venaient de, enfin, du fait qu'on était tous égaux et qu'on se posait pas la question de savoir qui était croate, qui était serbe, qui était albanais. La question se posait pas du tout. J'ai finalement appris que j'étais serbe, plus particulièrement en 91. Jusque-là, j'ai été élevée comme yougoslave. L'idée de construire un État socialiste, mais fédéral, garantissant les droits de tous les peuples qui le composent, un État garantissant une stricte égalité entre ses différentes composantes. Alors, pour le coup, sur un plan théorique, ce modèle du fédéralisme yougoslave, tel que Tito va le mettre en place, c'est la copie conforme du modèle soviétique, sauf que ce modèle soviétique n'a jamais été démocratique, tandis que le modèle yougoslave, l'application plutôt yougoslave du modèle soviétique, a été infiniment plus souple et, je dirais, plus démocratique. Peut-être tout simplement parce qu'il n'y avait pas de déséquilibre numérique d'importance majeure entre les différents peuples. Les Serbes étaient un petit peu plus nombreux que les Croates ou les autres peuples, mais sans que cela introduise une rupture de charge, comme, disons, le poids du peuple russe au sein de l'Union soviétique. Donc, une fédération socialiste sur une base d'égalité entre les différents peuples, les différentes républiques qui la composent. La nouvelle Yougoslavie est composée de 6 républiques, donc la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et la Macédoine, si on prend l'ordre en allant du nord au sud, et sont créées en outre deux provinces autonomes au sein de la Serbie, à savoir le Kosovo d'une part et la Voïvodine d'autre part. Donc vous avez un total de 8 entités politiques dans cette fédération. Et ces 8 entités politiques, donc 6 républiques et 2 provinces autonomes, vont rester jusqu'à la fin de la Yougoslavie. C'est-à-dire ce schéma fédéral reste, ne bouge pas. Ce qui va changer, c'est la répartition des pouvoirs entre la fédération d'un côté et les républiques et les provinces autonomes de l'autre. C'est-à-dire que vous avez une Yougoslavie relativement centralisée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec un parti communiste très fort et très centralisé, avec à sa tête évidemment le maréchal Tito. Et puis à partir des années 60-70, vous allez avoir un processus de décentralisation progressif qui va conduire au fait que ce sont petit à petit les républiques qui vont avoir l'essentiel du pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir fédéral va s'auto-dissoudre d'une certaine façon, Tito restant l'arbitre des jeux entre républiques constitutives, mais disons à partir de la mort de Tito en 1980, eh bien cette fédération n'est plus qu'incarnée par une armée, mais qui n'a plus d'autorité suprême pour lui dire ce qu'elle doit faire. Et puis l'essentiel du pouvoir qui est concentré au niveau des républiques et en ce qui concerne la Serbie, aussi au niveau des provinces. C'est-à-dire que les provinces ont aussi un large degré d'autonomie, ce qui va alimenter les frustrations serbes. Et c'est d'abord au nom de la récupération des pouvoirs des provinces autonomes, du Kosovo et de la Vojvodine, que Milosevic commencera sa carrière politique. On umire 1980. Tito est mort en 1980, à l'âge de 88 ans. Donc en 70, il avait 78 ans. Cette décennie est clé, parce qu'il commençait à avoir peur de ce qui pourrait arriver quand il disparaîtrait. Il avait peur qu'un homme politique fort, serbe, apparaisse sur la scène politique yougoslave. C'est pour éviter cela qu'est née la Constitution de 1974, qui a introduit le droit de veto pour chaque unité fédérale. Donc, non seulement les républiques, mais aussi les deux provinces autonomes, la Vojvodine et le Kosovo, avaient le droit de veto pour les décisions qui les concernaient, mais aussi un droit de veto pour les décisions prises à nu au niveau central. Donc ça devenait un État hybride. L'armée était commune, ainsi que le système monétaire. Mais le droit de veto a paralysé les décisions à un niveau fédéral. Et la Yougoslavie n'a pas réussi à se sortir de cette situation. TF1 20h, Jean-Claude Bourret. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous venons de l'apprendre il y a très exactement 10 minutes. Le maréchal Tito est mort. Ce n'est certes pas une surprise, puisqu'après 120 jours d'agonie, on avait beaucoup parlé sur l'acharnement thérapeutique des médecins, le maréchal Tito est donc mort à 16h05 cet après-midi, heure de Paris. On était tous fiers d'être yougoslaves. Boba Lisdek. La Yougoslavie était notre grand pays, avec notre, notre cher président Tito, qui était le père de la nation, le père du pays. Et quand on était petit, la plupart de mes amis, y compris moi-même, on a pensé tous qu'on va mourir le jour où Tito est mort. Et ça s'est passé, je pense. Que le pays est mort bien avant la dissolution. Le pays est mort avec la mort de Tito. Mais d'abord, les réactions les plus parlantes, les plus émouvantes, sans doute, celles de la rue en Yougoslavie, elles vous paraîtront peut-être fabriquées. C'est pourtant ainsi qu'on réagit ce soir à Belgrade. On pleurait tous, en fait. C'était extrêmement fort et Tito, même si on le trouvait à la limite un peu ridicule, un vieillard dont on n'arrivait pas à se débarrasser. Mais malgré tout ça, c'était quand même une figure extrêmement forte autour de laquelle toutes les républiques pouvaient se réunir. Et donc c'était presque naturel de cette tristesse très forte que nous avons tous ressentie à l'époque. Moi, j'étais un tout petit peu trop jeune et je ne comprenais pas que les larmes des adultes à l'époque étaient aussi des larmes qui avaient peur de ce qui allait arriver. Cette mort de Tito, elle arrive à un moment délicat pour la Fédération yougoslave, à savoir d'une part que la Fédération yougoslave connaît une crise économique de plus en plus profonde, et donc toute cette légitimité qui s'était créée sur la base du développement économique et de l'amélioration des conditions de vie qu'avaient connues les Yougoslaves des années 40 à la fin des années 70, toute cette légitimité économique s'effondre. En même temps, la légitimité basée sur l'histoire du mouvement des partisans, ce grand récit yougoslave, s'effondre aussi petit à petit. D'abord, les générations passent, et puis les années 80, c'est le moment où on redécouvre certains aspects, on va dire, peu mis en avant par le régime communiste. Je vous ai parlé tout à l'heure des différents massacres qui s'était produit en Yougoslavie, qui n'était pas caché par le régime communiste, mais qui était, disons, traité comme secondaire par rapport au grand récit du mouvement des partisans. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va redécouvrir les victimes civiles et donc les victimes des massacres qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en particulier du côté serbe, il va y avoir tout un travail de redécouverte et de ces massacres de civils et de mise en avant du côté victimaire de la nation serbe pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette redécouverte du génocide contre la population serbe va répondre plus tardivement d'autres discours en Croatie ou en Bosnie-Herzégovine sur le génocide qu'auraient commis les communistes yougoslaves contre la nation croate à la fin de la guerre, ou un discours sur le génocide que les tchétniques serbes auraient commis contre la communauté musulmane en Bosnie-Herzégovine. Donc vous avez un espèce de réveil comme ça de discours sur le statut de victime de chaque nation qui va faire éclater le récit communiste de la Seconde Guerre mondiale. Un nationalisme lève l'autre. Milena Čičić, universitaire. Malheureusement, la liberté de la presse qui a commencé dans les années 80 après la mort de Tito, immédiatement a été manipulée pour produire la haine contre l'autre. Donc chaque république a commencé à apparaître des articles et des interviews que telle république a été le victime de la Yougoslavie. Par exemple, même dans ma famille, ils disaient toujours, regardez, quand les partisans, quand les communistes ont venu à Belgrade, ils ont tué immédiatement 3000 intellectuels. Quand ils ont entré à Zagreb, ils n'ont tué aucun des collaborateurs. Et en 1989, on a fait, pour la première fois après la Deuxième Guerre, on a fouillé les cimetières de masse de Deuxième Guerre où c'était des puits où on a jeté la population serbe. Des charniers, donc. Pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Oustachis croates. Et donc, c'était... ils ont pris les os, tout ce qui leur restait. Ils ont fait les grandes cérémonies pour les mettre ces os au cimetière. La population disait qu'ils n'ont pas eu pendant le socialisme droit d'enterrer ces morts, de les identifier, etc., etc. Donc ça a vraiment levé le nationalisme serbe énormément. Regardez notre peuple, pas seulement qu'ils ont été tués, etc., ils n'ont pas pu même enterrer ces morts. À la mort de Tito, personne ne le remplace. Tito n'est pas remplacé par un nouvel individu, par un nouvel homme fort, mais par une présidence collégiale dont le fonctionnement va être de plus en plus complexe. Parce que ce qui est mis en place, c'est une présidence tournante de la Yougoslavie, c'est-à-dire vous avez une présidence de 8 membres, 6 représentants des républiques et 2 représentants des provinces, et cette présidence de 8 membres élit pour un temps très limité un président, et cette présidence tourne entre les 8 entités constitutives de la Fédération yougoslave. Et ces problèmes se retrouvent aussi au sein de la Ligue des communistes. Et c'est là qu'il y a eu un malentendu dans la perception de la situation yougoslave, en particulier en France. C'est-à-dire que quand Milošević émerge dans la seconde moitié des années 80, il y a beaucoup d'observateurs, en particulier dans un pays centralisé comme la France, qui se disent « mais voilà le nouvel homme fort qui va sauver la Yougoslavie ». Je pense que c'est, entre autres, quelqu'un comme François Mitterrand avait calqué comme ça une vision jacobine de l'État sur le territoire yougoslave. Et en fait, Milošević, en essayant de s'imposer comme homme fort, bien loin de sauver la Yougoslavie, il en précipite la ruine. En particulier en reprenant le pouvoir dans les 2 provinces autonomes du Kosovo et de la Voïvodine. Et donc en s'attribuant à travers ces 2 provinces 2 sièges supplémentaires dans la présidence collective. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Milošević a repris le pouvoir dans les provinces autonomes et à partir du moment où il a créé un mouvement le soutenant au Monténégro, il contrôle 4 sièges sur 8 dans la présidence collective. Et c'est aussi cette volonté d'hégémonie au niveau fédéral qui va pousser les autres républiques, en particulier la Slovénie et la Croatie, à vouloir se retirer de cette fédération yougoslave qui devient de plus en plus déséquilibrée à l'avantage de la Serbie. Le Kosovo est pour les Serbes quelque chose de très important historiquement, parce que c'est le berceau du royaume médiéval de Serbie, c'est là qu'il y a des plus vieux monastères, etc. Donc ça a une résonance culturelle, historique, très importante, symbolique, si vous voulez, mais en même temps, démographiquement, c'est une région qui échappe à l'influence serbe et à la présence serbe. Donc les Serbes disaient « oui, mais c'est le berceau du royaume de Serbie », oui. Et les autres répondaient « oui, mais dans le berceau, il y a des enfants albanais ». L'histoire était invoquée par les Serbes et la démographie par les Albanais. S'il y a une date que tous les Serbes connaissent, 1389, la bataille du Kosovo. C'est toujours des défaites, d'ailleurs, qu'on commémore. Bon, mais c'est les dates de référence pour l'identité nationale. Bon, ça peut paraître comme des débats académiques entre historiens. Tant que ça reste débat entre historiens, on peut négliger. À partir du moment où les politiciens s'en emparent, Je passe encore beaucoup d'été au bord de la mer sur une des îles croates dans l'Adriatique. Il y avait des Slovènes, il y avait des Croates, il y avait même quelques familles italiennes. Et donc tout ce petit monde cohabitait tout à fait bien et de manière très amicale. Et j'ai le souvenir d'un été où on était tous autour d'une table réunis le soir et où tout d'un coup, on a commencé à parler de Milošević. Et je crois, en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était la première fois que j'entendais parler de Milošević. Et cet ami serbe qui était à notre table se met à défendre avec énormément d'énergie et presque de violence, ou en tout cas d'une violence montante, Milošević, alors que des membres de ma propre famille étaient scandalisés de ça et disaient « mais tu te rends pas compte de ce qui est en train de se passer ». À ce moment-là, j'ai compris que visiblement, il y avait aussi des gens qui ne voulaient plus sauver la Yougoslavie ou qui feraient énormément de mal. Et ce qui est terrible, c'est qu'à ce moment-là, et ça doit être donc en 87, cet ami serbe, je ne l'ai plus jamais revu. Il n'est plus jamais venu. Ils ont vendu la maison, je crois, dès l'été suivant et on ne s'est plus jamais revu. Donc, ça allait très vite, très profondément vers quelque chose que, encore une fois, les plus âgés de parmi nous pressentaient, en fait. Je suis témoin. Je l'ai entendu dire, charger la foule. Pourquoi nous brutaliser ? Personne n'a le droit de vous brutaliser. Assurez l'ordre vous-même. Ce n'est pas à la police de le faire, c'est à vous de le faire. Vous avez une situation où les Serbes du Kosovo manifestent parce qu'ils s'estiment lésés par le pouvoir de la province autonome qui est majoritairement aux mains des Albanais. Et ces Serbes du Kosovo s'estiment discriminés par les autorités de la province du Kosovo, s'estiment mis en danger par des agressions de la population albanaise, etc. Et la police de la province autonome du Kosovo matraque ces Serbes. Et c'est là que Milošević, qui est là, intervient en public en disant « personne n'a le droit de vous frapper ». Et c'est ça qui va faire la popularité de Milošević, d'abord chez les Serbes du Kosovo, puis chez les Serbes en général, c'est cette intervention de Milošević qui dit « personne n'a le droit de vous frapper » et qui intervient donc directement en public en faveur des Serbes du Kosovo. C'est le moment où Milošević apparaît sur la scène comme un personnage clé à la tête du Parti communiste de Serbie. Et surtout, il saura par la suite exploiter cette résonance de la question kosovare dans l'imaginaire serbe pour, en quelque sorte, asseoir son pouvoir. Au moment où tous les régimes communistes s'effondrent en Europe de l'Est en 89, lui se rend au Champ des Mers, au Kosovo, sur le lieu de la bataille, prononce un discours resté célèbre et où il aussi il se pose en défenseur des Serbes du Kosovo. Je suis là pour défendre les Serbes du Kosovo. En fait, qu'est-ce qu'il défend avant tout ? C'est son pouvoir, le pouvoir communiste. Au moment où tous les régimes communistes s'effondrent, lui se maintient au pouvoir en jouant à fond la carte nationaliste. C'est plus le sauveur du Parti communiste, il devient traitant le sauveur de la nation serbe. Et à ce moment-là, ben même les nationalistes serbes qui détestaient le Parti communiste et qui le critiquaient sont sidérés parce qu'ils trouvent plus nationalistes qu'eux. Il est difficile de battre Slobo sur ce terrain-là. Drugarice i drugovi, na ovom mestu, na ovom mestu u srcu Srbije, na polju Kosovu pre šest vekova, pre punih 600 godina, dogodila se jedna od najvećih bitaka onoga doba. C'est le discours de Milošević en 89 au Champ des Mers qui commence par Vladimir Pericic, réalisateur. Camarade et camarade, au masculin féminin, le savoir quoi fait la différence. À ce jour-là, au cœur de la Serbie, à Kosovo. Et il a fait une transplantation du cœur des camarades de Moscou, de Cuba à Kosovo. Le cœur des camarades communistes, il n'était pas Kosovo. On peut discuter si c'était bien qu'il soit à Moscou ou à La Havane, mais le cœur des camarades communistes, il n'est pas au Kosovo. Parce que ça, c'est les monastères orthodoxes. Le cœur de la Serbie, c'est quelque part de Raška, vers le sud-centre de la Serbie. Mais cette phrase, le Kosovo est le cœur de la Serbie, tous les politiciens aujourd'hui le reprennent, même ceux qui sont anti-Milosevic. Nous sommes 6 siècles plus tard et nous devons encore mener une bataille, voire plusieurs. Nous n'employons pas d'armes, mais ça pourrait arriver. Quelle que soit la bataille, elle ne peut être remportée sans la détermination, le courage et le sacrifice. Ces qualités dont nous avons fait preuve à l'époque lors de la bataille de Kosovo-Polje. C'est un discours qu'il tient devant les représentants de toutes les républiques de la Yougoslavie, puisque toutes les républiques de la Yougoslavie ont envoyé un représentant à cette commémoration. Milosevic tient un discours très nationaliste et dans lequel, en particulier, il dit « Nous sommes prêts pour toutes les batailles, et y compris les batailles armées, si elles doivent avoir lieu. » Enfin, c'est pas exactement ces termes-là, mais c'est en tout cas le message qu'il fait passer. Et c'est évidemment un message extrêmement dangereux dans une fédération qui est en train de se désintégrer et à un moment où personne encore n'envisage une guerre en Yougoslavie. Et c'est la première fois que Milosevic laisse entrevoir la possibilité d'un affrontement armé devant les représentants de tous les autres peuples et de toutes les autres républiques de la Yougoslavie. Et c'est là où on voit bien que Milosevic, le rôle de Milosevic, c'est de détruire la Yougoslavie, c'est pas de la préserver. Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova. Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. C'était aux origines de la Yougoslavie avec Vasili Silovic, Adna Muslija, Jovo Bakic, Xavier Bougarel, Jacques Rupnik, Milena Cecic, Jean-Arnaud Derins, Milica Čubrilo, Boba Lizdek et Vladimir Peričić. Traduction, Aline Cateux et Milica Čubrilo. Avec les voix de Prudence Castelot, Samuel Glomé et Christophe Léger. Prise de son, Frédéric Kérou, Claire Levasseur, Sandrine Malon et Nicolas Depagraf. Mixage, Jean-Louis Deloncle. Merci à Oscar Le Polotec, Alexandra Kobilski, Lamia Ruzdic-Barbier de l'Association des anciens étudiants des universités croates et Gauthier Morax. Merci à Denis Forget de l'INA et à Leila Fernbach de la documentation d'actualité de Radio France. Coordination Marie-Vonne Abolivier et Perrine Carvran. Un documentaire de Christelle Le Polotec réalisé par Somanina. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans le passé, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs, et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, le siège de Sarajevo.